19h sur Electric Choc, Radio Arc-en-Ciel, bienvenue à dans Electric Choc, votre magazine métal du mardi soir, et bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle fois, c'est la 772e fois exactement, et oui, Electric Choc donc a célébré déjà plus de 18 ans d'existence, et va gaillardement maintenant sur sa 19e année, et bon anniversaire à Electric Choc. Donc ce soir, qu'est-ce qui vous attend? Bah des nouveautés qui seront au nombre de 5. Donc ça vous permettra d'avoir un petit survol de différents genres, comme à chaque fois. Donc plein de choses, bien sûr, comme toujours. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Ben, j'imagine que vous avez qu'une envie, c'est que la musique commence. Et ben, on va se faire tout de suite un petit tour au Wacken en 2022, où les Autrichiens de Visions of Atlantis jouaient presque à domicile, puisque donc le groupe a profité donc de ce passage au Mythique Festival pour enregistrer ce live intitulé Pirates Over Wacken. Tout d'abord, on va commencer l'émission avec Heroes of the Dawn. Heroes of the Dawn! Heads up, no one told you to put them down! You ready? Two much. It feels wonderful to be here today again. It feels wonderful to play in front of all of you, as Meek said earlier. I feel amazing to share that with you. Thank you for showing up. Thank you for attending concerts. Without you, we're nothing. We can't do what we love. We love you. Thank you so much. Now, the next one. The next one is for us to never forget our most precious and valuable thing in life. Let us never forget that we are free. We are all free. This one is called Freedom. Treasure in the key. Let us run away. Sympa comme mise en bouche. Visions of Atlantis, donc avec deux extraits de son live Pirates of Wacken, enregistré donc au Mythic Festival l'année dernière. Freedom à l'instant et Heroes of the Dawn qui ouvrait donc l'émission. Première nouveauté de la soirée avec maintenant un groupe qui vient des États-Unis qui s'appelle Baroness, qui pratique un métal qu'on peut qualifier à la fois de sludge, progressif, d'alternatif, enfin bref, de plein de qualificatifs différents. C'est leur sixième, il est sorti mi-septembre, il s'appelle Stone, tout simplement. Et je dois avouer que Baroness, je les avais vus en concert, c'était en 2019, oui, en première partie de Volbeat, et je dois avouer que j'avais pas accroché plus que ça, je m'attendais à autre chose, probablement. Et par contre, quand j'ai entendu quelques petits extraits de ce nouvel album, je dois avouer que par contre, je me suis aperçu que finalement, j'étais peut-être en train de passer à côté de quelque chose, ou alors c'est le groupe qui a évolué, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que ce nouvel album Stone, m'a vraiment interpellé. Un petit extrait de cet album. C'est anodine. la grande classe. Voilà, c'est tout ce que, c'est le seul qualificatif qui me vient à l'esprit quand je passe ce disque. C'était Soen avec un extrait de son album Mémorial qui est vraiment un des coups de cœur d'Electric Shock. Ben ça, vous le savez, si vous avez écouté l'émission ces dernières semaines, c'était le morceau icône et Soen qui nous a délivré un concert vraiment somptueux mi-octobre à l'Élysée Montmartre. Juste avant Soen, c'était la première nouveauté de la soirée avec les Américains de Baroness et leur sixième album, Stone. D'ailleurs, c'est le premier qui ne porte pas le nom d'une couleur. Ouais, donc c'est à noter. Et c'était le morceau Anodyne. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour un petit peu de black metal? Bah oui, si vous écoutez Electric Shock, c'est que vous êtes prêts pour tout. Donc on va revenir au troisième album des Chartreins de pénitence onirique, qui s'appelle Nature Morte. Et le morceau de ce soir s'intitule Désir. Ce petit moment de détente auditive vous est offert par Electric Shock. Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Pénitence Onirique, c'est le groupe qui nous vient de Chartres et Nature Morte, c'est leur titre de leur album et c'était le morceau Désir. Après ça, va se passer, si vous n'en pouvez plus d'attendre, le nouveau Judas Priest, eh bien, consolez-vous. Le KK Priest de l'ancien guitariste de la légende britannique est sorti au mois d'octobre et je pense qu'il nous permettra de patienter allègrement jusqu'au mois de mars pour la nouvelle offrande du Priest. Alors, rien de bien neuf sous le soleil, hein, du bon heavy metal plombé, et KK Downing nous montre avec cet album pourquoi Judas d'ailleurs a eu autant de succès et aussi quelque part aussi est responsable de quasiment tous les clichés du metal actuel. Extrait donc de ce deuxième album, The Sinner Rise Again, où on retrouve également Tim Owens, qui fut chanteur de Judas Priest des années 90 aussi, pour ce morceau One More Shot at Glory. Ouais, admirez le petit clin d'œil à l'ancien groupe, plus Judas Priest que Judas Priest lui-même d'humeur. Qui est extrait du EP de Dusk of Delusion, Try Your Freedom, qui lui-même est la continuité du concept album Corrosis qui était sorti l'année dernière. Juste avant Dusk of Delusion, l'ancien guitariste de Judas Priest, Keke Downing, avec son projet Keke Priest, extrait donc de son deuxième opus, The Sinner Rise Again, c'était One More Shot at Glory. Changeons de style avec la deuxième nouveauté. Je vais vous emmener faire un tour aux États-Unis, plus exactement en Pennsylvanie, pour découvrir un groupe qui s'appelle Suicide Puppets. Un groupe donc qui existe depuis quelques années, qui a déjà sorti un album. Et vient au mi-octobre, ils viennent de sortir leur deuxième album. Enfin, pas de, un album, un EP, comme ça existe de temps en temps. De 5 titres d'une durée de 17 minutes. Alors, on nous dit que c'est du métal industriel. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui peuvent penser à ça. Moi, ça me fait penser metalcore par moment. Enfin bref, quelque chose d'assez moderne. Je dois avouer que j'ai pas accroché plus que ça à l'écoute. Je pense qu'en live, ça doit être très efficace. Mais un peu plus de personnalité, ça serait peut-être pas mal non plus, mais enfin il y a quand même une bonne base, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Par contre, ça joue, il y a du son. Extrait donc de cette EP Beyond the Veil, le morceau c'est Thousand Ways to Die, donc tout un programme. We'll be right back. Parisiens de Sailing for Tomorrow et leur nouvelle EP Living in Wonderland, c'était Lunacy. Venu des États-Unis, ça c'était la deuxième nouveauté de la soirée, le nouvel EP de Suicide Puppets, Beer in the Veil, et c'était le morceau Thousand Ways to Die. Changeons de style à nouveau avec quelque chose de plus alternatif, et on va revenir au premier EP du groupe Lizatid, Life is Shit and Then You Die, qui est tout simplement l'acronyme donc du groupe que je vous ai présenté donc la semaine dernière. Il est sorti fin septembre et on va se décrasser les oreilles avec un morceau qui s'intitule comme quoi tout est beau, Everything is Awesome. C'était notre petit détour à Marseille avec l'EP de Furia Police, Hope or Hate, et le morceau qu'on vient de se taper, c'était I Wasn't Good Enough for You. Juste avant, par contre, le premier EP de Lizati, de groupe de la région parisienne, Life is Shit and Then You Die, c'était... je ne me rappelle plus ce que c'était. Everything is awesome. Voilà, tout simplement. Donc tout était dedans. Maintenant, la magie de la radio, comme je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, c'est l'occasion de voyager dans l'espace et dans le temps sans bouger de son fauteuil. Là, on va se faire un bon retour dans le temps, 40 ans, un peu plus de 40 ans en arrière, puisqu'on va se faire un petit tour du côté de la réédition de Another Perfect Day, l'album le plus controversé de Motorhead, qui donc a célébré ses 40 ans donc l'année dernière. Donc l'album est sorti dans une version remasterisée, avec en bonus les morceaux qui figuraient sur les faces B des singles, quelques versions démo et un live complètement inédit, enregistré à Hull le 22 juin de cette année 1983. Alors ce line-up avec Brian Robertson n'a pas fait long feu, puisqu'en fait Brian Robertson avait remplacé, ça c'est pour ceux qui ne se connaîtraient pas l'histoire de Motorhead par cœur, avait remplacé Eddie Clarke un peu au pied levé en pleine tournée américaine pendant la tournée de l'album précédent Iron Fist. Et vu que ça s'était pas mal passé, Lemmy avait décidé de l'embaucher pour de bon. Et là, les choses sont un petit peu gâtées puisque Brian Robertson, il a pris de l'aplomb. Effectivement, ça se sent sur l'album. Ça, c'est pas le problème. C'est surtout que sur scène, il voulait plus jouer les vieux classiques. Autant que sur la tournée précédente, il l'a fait. D'ailleurs, je sais que je devrais pas dire ça, mais il y a quelques bootlegs vraiment intéressants de la tournée japonaise, qui sont d'ailleurs avec un son très très correct, où vous pouvez vous faire une petite idée de ce que ça valait, un petit Overkill, par exemple, joué par l'ami robot. Donc là, l'ami robot ne voulait plus jouer que l'album Another Perfect Day et quelques rares morceaux du passé de Motorhead qu'il trouvait grâce à ses yeux. Enfin bref, toujours est-il que Lemmy, après, en a gardé une certaine rancune. D'ailleurs, pendant près de 20 ans, il ne voulait surtout pas entendre parler de cet album et on avait exclu tout morceau lors de cette liste. Mais enfin bon, après, tout doucement, il était revenu. D'ailleurs, on a eu le bonheur ces dernières années d'en entendre quelques extraits tels Dancing on the Wave, Rock It et autres. Là, on va se faire donc Marching Off to War, si vous voulez bien. Je pense que vous voulez bien, parce que Motorhead, tout le monde veut du Motorhead. Coming on the other side. Yeah, you want to turn up, do you? I'm not sure that this is physically possible, but try it anyway. Fucking all right, pal. All right, yeah, let's pass it around, yeah. I think you might run a bit short at the back there. This one is an old song, Guts and Kittens. This one is for everybody without a motorcycle who wishes they had one. Or is going to get one as soon as they get the money together. It's called Iron Horse, Born to Loot. Iron horses away. Born to Lose, Iron Horse, qui est un extrait donc du premier album de Motörhead. Oui, ça c'est un des rares morceaux que Brian Robertson voulait jouer à l'époque dans la légende britannique. Et juste avant, Marching Off to War, lui qui était extrait donc de l'album Another Perfect Day. Ça, vous pouvez trouver ça sur le live bonus donc de la réédition Another Perfect Day pour les 40 ans de cet album mythique. Maintenant, revenons à quelque chose que j'ai présenté la semaine dernière, un mélange de classique et de moderne. En gros, si vous aimez le rock sudiste et le métal, ça va vous plaire. C'est Black River Sons et son deuxième album, Skins. Et on va se faire un morceau, on peut dire que c'est le rock and roll, c'est un peu ça, c'est No Pain, No Gain. Let me drop down. Je m'excuse, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Là, je ne sais plus du tout où j'en suis. Donc, oui, c'est les inconvénients du direct. Comme quoi, vous pouvez vraiment constater que Electric Shock, on ne triche pas. On est vraiment en live, en direct, avec les plantes, avec toutes les erreurs que peut faire. Mea culpa, je le reconnais. Donc Black River Sun, c'est terminé. Vous allez donc avoir la suite. Et restez bien à l'antenne parce que je vous dirai ce que c'est après. Bon, vous avez fini par l'avoir, ce Stubora, extrait donc de leur album Écorché Vif, c'était le morceau Ta Voix, V-O-I-E. Juste avant Stubora, malgré le petit problème technique de votre animateur préféré, Black River Sons, donc qui nous proposait No Pain No Gain, extrait de son dernier album, Skins. Eh bien, on va se faire donc encore une nouveauté, la troisième de la soirée, avec le nouvel album de In This Moment, que j'attendais avec une certaine impatience, vu que j'avais apprécié les précédents. Et là, ce coup-ci, je dois avouer que je suis un peu resté sur ma faim. Ce nouvel album, donc, qui s'appelle God Mode, on y retrouve évidemment tous les poncifs, entre guillemets, tous les clichés du groupe, bien évidemment. Mais je sais pas, j'ai pas retrouvé le petit truc des précédents, même si c'est toujours aussi noir et aussi malsain, et que Maria Brink est vraiment... une interprète hors pair. Il y a quand même des bonnes choses, mais bon, je sais pas. Alors peut-être que dans quelques semaines, je m'y serais fait, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on va se faire quand même le titre qui donne son titre à l'album, God Mode, maintenant, en espérant que je me plante pas ce coup-ci. We'll be right back. a dream inside my head. I can't believe that I wasn't there. Already heading for the end of time. Oh, fuck! Taylor, oui, le chanteur de Slipknot qui apparemment a fait un concert somptueux dimanche au Trianon où il a joué des morceaux de ses groupes Slipknot, Stone Sour et de son projet solo CMF. Là, c'est un extrait de l'album CMF 2 là qui est sorti à la rentrée au mois de septembre où il y a plein de choses et là c'était le morceau Starmate. Juste avant Corey Taylor, c'était donc la troisième nouveauté de la soirée, le nouveau In This Moment qui s'appelle God Mode, c'était d'ailleurs le morceau éponyme. On va se faire un des coups de cœur d'Electric Shock ces dernières semaines. Le nouveau Rival Sons, le précédent déjà qui était sorti cet été, fait partie des coups de cœur de l'année 2023, celui-ci Lightbringer aussi. On reste dans la même lignée, toujours 70s et toujours aussi bon. Je regrette de ne pas pouvoir aller au concert d'Olympia parce que ça devait être vraiment quelque chose de terrible. Donc extrait de cet album là tout de suite, Sweet Life. Et j'ai encore fait une connerie, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est bon. Hein. Oh, to have you. I've got to have some more of that. Set it on fire. Oh, tell me that the song come out tomorrow. I need it now, then I need it now. You know it's all living in a permanent shadow. I'm getting out now. I'm getting out. I want that. We'll be right back. Ho Hey Hair. C'était le titre de Blackstone Cherry, extrait donc de Screaming at the Sky, leur dernier opus. C'était. Et juste avant, toujours dans cet esprit 70s, Rival Sons et son EP Lightbringer, c'était Sweet Life ce soir qu'on a eu pour vous. Quatrième nouveauté de la soirée. Alors là, je vais vous emmener faire un petit tour au Japon. Avec le nouveau live de l'album du groupe Love Bites. Oui, ça vous dit peut-être quelque chose si vous êtes des auditeurs anciens d'Electric Shock, parce que Love Bites donc, est un groupe japonais qui existe depuis 2016, un groupe féminin en plus. Elles sont toutes mignonnes, mais bon, c'est quand même, musicalement par contre, c'est pas heavy metal. Musicalement, on est quand même plus proche de Stratovarius. Et donc, ils ont sorti donc 4 albums studio depuis 2016. Donc, leur deuxième Clockwork Immortality qui était sorti en. Sous licence chez Nuclear Blast, donc dans une version arrangée pour l'Occident. Ils ont sorti aussi également 3 albums live. Et là, ils viennent donc de sortir un extrait donc de leur nouvelle tournée de 2023, qui a été enregistrée donc à Tokyo au mois de mars. Cet album qui s'appelle Knocking at Heaven's Gate, Live in Tokyo 2023, est sorti donc au mois d'août au Japon. Et là, il y a eu un pressage européen, là, qui est tout chaud, tout bouillant, puisque c'est sorti début novembre. Eh bien, on va découvrir ou redécouvrir ce groupe avec le morceau The Hammer of Wrath, mais juste avant, une petite intro qui s'appelle The Awakening, Opening the Five Coffins. Like a Braveheartid et The Hammer of Wrath, enfin du moins c'est les titres en anglais puisque c'est japonais, donc je pense que ça se dit autrement. Et la petite intro The Awakening, donc ça c'est extrait du live de Love Bites, Knocking at Heaven's Gate, live in Tokyo 2023, sorti au mois de novembre, sorti il y a 15 jours chez nous et sorti déjà depuis le mois d'août au Japon. Et bien on va se faire la cinquième et dernière nouveauté de la soirée. Là on va du Japon, on va faire un petit tour plus près de chez nous, exactement à Massy en région parisienne, retrouver The Redshift Empire et son deuxième album New Horizon qui est sorti le 10 novembre dernier. Et si vous avez été faire un tour au Dropkick vendredi soir, bah vous avez peut-être plus l'occasion de les voir justement présenter cet album. Donc extrait 2 de New Horizon, c'est le morceau Hyperspace. Been here long enough. C'était Darken avec The End of Time, l'extrait de Northern Lights, juste avant The Redshift Empire et l'album New Horizon et le morceau Hyperspace. Ça, c'était donc la cinquième et dernière nouveauté de la soirée. Il nous reste très très peu de temps si on veut pas trop carotter de temps à Electro Live. Donc c'est un dernier morceau avec, on va revenir à l'album Seven Weeks, Fade into Blurred Line, et on va terminer avec Travelers. Electric Shock s'est terminé ce soir en Acoustic Shocks avec le dernier morceau de la soirée avec Travelers de Seven Weeks, extrait donc de Fade into Blurred Lines. Merci d'avoir été encore une fois à l'écoute et puis restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel puisque la musique continue maintenant avec le before des Nightclubbers, commencez à avoir l'habitude maintenant depuis 6 mois puisque Electro Live va commencer avec l'ami Christophe. Christophe donc succède à notre Christophe. Salut. Salut. Bonsoir à toutes et à tous. Quel programme ce soir pour tous nos amis? Un set classique house. Pas de nouveauté ce soir, mais du classique house. Voilà. Donc, pour vous préparer pour ce week-end, restez bien branchés. C'est l'électro, c'est tout de suite maintenant avec Christophe dans Electro Live.